Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, le lundi, 8h-13h30. Donc mon coup de cœur de cette semaine est un coup de cœur musical. Promis, c'est la dernière fois, là, 4 semaines d'affilée, c'est bon. Donc l'auteur, c'est Orchestral Manoeuvre in the Dark, et c'est Enola Gay. Donc si vous êtes fan de musique ancienne, ou si juste vous écoutiez cette musique avant, vous devez la connaître. Elle est sortie en 1980. Donc c'est de la synth-pop. Donc comme le dit le titre, il y a du synthétique, qui est d'ailleurs le synthétiseur est d'ailleurs l'un des instruments principaux. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette musique parce que j'écoute depuis déjà longtemps. Bah, ça fait longtemps que mon grand-père, en fait, c'est mon grand-père qui me l'a fait écouter de base. Et je l'ai déjà entendu dans plusieurs fêtes. Et je ne pouvais pas vous faire un coup de cœur musical sans citer au moins une fois une émission coup de cœur sans citer au moins une fois cette musique, car c'est quand même une musique comment pourrait-on dire ça, classique. Tout le monde connaît cette musique, elle est entraînante, on a envie de danser, elle est franchement bien. Voilà, bon, je vous la conseille très très fortement pour avec des amis, une fête ou juste comme ça écouter pour se réénergiser, on va dire. Donc je me devais quand même de citer cette musique parce que en fait elle est très embêtante, cette musique, parce que d'un côté l'air est bien, les paroles quand tu ne les comprends pas sont bien, mais quand tu comprends les paroles c'est tout de suite moins joyeux, même si l'air, je sais pas, je trouve l'air est joyeux, mais les paroles, vu le sujet délicat dont parle la musique, c'est une musique aussi à double sens, on va dire. Donc, voilà. Même si je vous la conseille à écouter, elle est quand même intéressante. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour moi. Je vais vous la faire écouter maintenant. À la semaine prochaine, au revoir. Shoot it.